France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Stavisky, un nom qui a marqué, qui a fait trembler la Troisième République. Une affaire qui prend racine au cœur des années folles, entre la fin de la Première Guerre mondiale et la crise économique du début des années 30, une période où l'on fait la fête, beaucoup, et où l'on investit de l'argent, énormément. C'est dans ce contexte que se déroule le parcours extraordinaire d'Alexandre Stavisky, jeune immigré juif d'origine russe, devenu l'un des plus grands escrocs du XXe siècle. Mais sa mort suscite le débat. Suicide ou assassinat? Dès l'annonce de son décès, des ligues d'extrême droite manifestent dans les rues de Paris. Depuis les élections générales de 1932, les gouvernements radico-socialistes se succèdent, mais aucun d'entre eux n'arrive à apporter des solutions à la crise économique que traverse le pays. Les faillites, le chômage et la colère explosent. Énième scandale financier de l'époque, l'affaire Stavisky devient alors catalyseur pour les ligues fascistes, les communistes, les socialistes, comme un appel à se mobiliser jusqu'au drame. Notre invité aujourd'hui, Bruno Fulini, historien, maître de conférences à Sciences Po Paris, et notamment l'auteur de l'ouvrage intitulé « Dans les archives secrètes du ministère de l'Intérieur ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'escroquerie, je trouve que c'est toujours une chose extraordinaire et on ne fait pas souvent des films sur les escrocs. On monte des gangsters, on monte des hold-up, mais des escroqueries très bien faites, on n'en montre pas souvent. On dirait que maintenant, ce qu'il a fait, Stavisky, il y a un scandale tous les jours dans ce genre-là et le gouvernement ne risque plus de sauter. Mais à cette époque-là, le gouvernement a failli sauter. Ce qui reste pas que son escroquerie était quand même assez extraordinaire. Et le personnage était fabuleux parce que vous voyez, là, je tourne dans un théâtre. Il a été quand même directeur de théâtre. Donc c'était un personnage fascinant, il était fascinant aussi, paraît-il, beaucoup de charme, n'étant pas spécialement d'une beauté rare, mais il avait beaucoup de charme et il parlait bien, je crois, et ça c'est fascinant, je veux dire, les gens qui parlent bien et qui obtiennent des choses rien qu'à la parlotte en vendant du vent, parce que finalement, il vendait du vent, il faisait croire qu'il avait beaucoup de sous alors qu'il n'en avait pas, et ça c'est dur dans la vie, quand on pense que vous avez beaucoup de sous, on vous amène des sous, on n'amène pas des sous aux gens qui n'en ont pas, c'est comme ça. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Jean-Paul Belmondo qui vante ainsi les mérites d'Alexandre Stavisky. Nous sommes en 1974 au Festival de Cannes et l'acteur fait la promotion de son nouveau film où il joue le rôle du plus célèbre escroc d'avant-guerre dans un film tout simplement intitulé Stavisky. Le réalisateur Alain René tient beaucoup à Belmondo. Pour incarner l'escroc des années 30 avec son sourire charmeur, il est l'homme de la situation, même si physiquement, la ressemblance entre les deux hommes n'est pas frappante. Joseph Kessel, qui a connu Stavisky, le vrai, le décrit comme suit. La moitié supérieure de la figure, énergique, ferme et presque belle, se trouvait démentie par la moitié inférieure, par la mollesse du menton, l'inflexion de la bouche, faible, rusée. L'action du film débute à l'été 1933. Alain René choisit de montrer Alexandre Stavisky au sommet de sa gloire. Il loge à l'hôtel Claridge, avenue des Champs-Élysées, où une armée de grooms et de maîtres d'hôtel est à ses dispositions. À peine sorti de l'ascenseur vitré, on lui lance du « Je demande votre voiture, monsieur Alexandre » ou encore « Le baron Raoul vous attend dans le hall, monsieur ». Mais Alexandre Stavisky a une urgence à traiter. Un inspecteur de police suit ses affaires de beaucoup trop près et ça ne lui plaît pas du tout. Mais l'homme a de la ressource. Un autre inspecteur de police à qui a sa cause, il confie. S'il veut de l'argent, je paierai. Ça ne fera jamais qu'un type de plus à arroser. Affaire suivante. Voilà le quotidien de Stavisky. Corrompre, acheter, séduire, arnaquer. Une seule chose est interdite, se faire pincer. Surtout maintenant qu'il est au sommet, ce serait ballot. Messieurs, j'ai été heureux de vous accueillir à cette première séance du conseil d'administration de la Caisse autonome des grands travaux et règlements internationaux. Moi aussi, je vous félicite, Sacha. Mais je vais vous faire un aveu, je ne comprends rien à ces histoires de crédit international. Les créances hongroises sont un mystère pour moi. Mais pas besoin de comprendre, Baron. Il suffit de me faire confiance. Pas besoin de comprendre, il suffit de lui faire confiance. Voilà tout résumé le personnage de Stavisky, en vrai, comme au cinéma, et même encore mieux en vrai. C'est en 1898 que le jeune Alexandre Stavisky débarque à Paris. Ses parents, des juifs russes, ont quitté la ville de Slobodka, en actuelle Ukraine, pour s'établir dans la capitale française. En cette fin de 19e siècle, de nombreux juifs de l'Est, malgré l'affaire Dreyfus et le climat antisémite ambiant, sont attirés par la France. Un proverbe yiddish dit d'ailleurs « heureux comme un juif en France ». Le père d'Alexandre, Emmanuel, lui, est chirurgien-dentiste. Il gagne bien sa vie. Quant à Alexandre, il poursuit sa scolarité dans le lycée Condorcet, l'un des plus prestigieux établissements de la ville. Il y fréquente, notamment, l'écrivain Émile Henriot, qui deviendra plus tard académicien et qui se souvient de Stavisky. Le troisième, sans avoir jamais été un ami, était un grand type mince, pliant, calamistré, le teint jaune et les cheveux de jais, avec des yeux de gazelle rêveuse. Il s'appelait déjà Stavisky. Il ne paraissait fort en rien, pas même en arithmétique, mais il s'est rattrapé depuis, tout au moins dans la soustraction. Les soustractions. C'est avec ce trait d'humour que l'écrivain souligne le penchant d'Alexandre Stavisky pour l'escroquerie. C'est vrai qu'après avoir très vite arrêté sa scolarité, il cherche une combine pour se faire de l'argent facile. Et cette facilité, il la trouve vite. Son père, chirurgien-dentiste, cache dans son cabinet de l'or destiné aux prothèses dentaires. Eh bien, Alexandre lui vole, assez naturellement, et le revend à des receleurs, la conscience apparemment tranquille. Bon, le père ne porte pas plainte, c'est son père. Mais Alexandre a mis le doigt dans un engrenage, il ne s'arrêtera plus. Cela dit, il faut reconnaître une belle imagination. Pour obtenir des places de théâtre gratuitement, par exemple, il se fait imprimer des cartes de visite au nom d'un célèbre éditeur parisien. Démasqué, il ne se démonte pas et rétorque au commissaire « Vous dites que c'est un faux, je dis moi que c'est une plaisanterie ». L'éditeur ne porte pas plainte lui non plus, et une nouvelle fois, pour Alexandre, c'est même pas mal. De surcroît, il a trouvé un vrai complice, son grand-père, qui l'encourage dans sa dérive délinquante. Doté d'un sens aigu de la combine, il trouve un projet d'arnaque. Nous allons l'appeler le coup de théâtre des Folies Marigny. En 1909, Abraham Stavisky, le grand-père, remarque qu'il n'y a pas de spectacle l'été. Alors, pourquoi ne pas en monter un ? Dans son ouvrage, l'affaire Stavisky, Jean-Marie Fitière rapporte une conversation entre Alexandre et son grand-père. Eh bien, il faut le louer. Tous les Parisiens n'ont pas les moyens de se rendre au bain de mer, mais ils peuvent se payer une place de théâtre. Peut-être, mais nous n'avons pas de capitaux à investir dans l'affaire. Nous n'en avons pas besoin. Voici mon plan. On fait publier dans les journaux l'ouverture du théâtre et en même temps des annonces offrant divers emplois. Administrateurs, contrôleurs, machinistes, ouvreuses, etc. Les candidats qui se présentent et qui sont acceptés versent un cautionnement confortable. Banco, Alexandre Stavisky accorde même une interview au Figaro où il annonce un programme exceptionnel avec des tours de chant et des combats de lutte. Et ça marche. Les candidats se bousculent pour travailler avec les deux Stavisky qui réclament à chaque recrue une somme d'argent pour créer le spectacle. Au total, 12 000 francs sont récoltés en caution. Le spectacle n'aura jamais lieu, mais le grand-père et le petit-fils Stavisky ont les poches pleines et c'est l'essentiel. Bien évidemment, sur le coup, il n'envisage pas de poursuite judiciaire. L'appât du gain avant tout le reste, on verra plus tard. Mais les plaintes arrivent vite et une information judiciaire est ouverte. Sauf qu'entre-temps, le grand-père meurt. Abraham n'est plus, Alexandre est seul face à la justice. Enfin, pas totalement. En 1908, il n'a que 23 ans, mais il n'a peur de rien. Pour sa défense, il sollicite un certain Alfred Clémenceau, oui, le frère de l'autre, alors président du conseil. Il le convainc d'assurer sa défense. L'objectif d'Alexandre est clair, repousser le procès le plus tard possible pour calmer la colère des plaignants. Bien joué, Stavisky comparaît. Deux ans plus tard, il n'est condamné qu'à 15 jours de prison avec sursis et 25 francs d'amende. Une stratégie dont il usera et abusera tout au long de sa carrière d'escroc. Alexandre n'est pas intéressé que par l'argent. Il y a aussi les femmes. Baratineur, pas réellement beau mais charmeur, de ce côté-là tout va bien. Dans son livre consacré à Stavisky, Joseph Kessel rapporte une conversation avec un membre de la pègre qui a bien connu le beau Sacha, l'un des surnoms d'Alexandre Stavisky. Il connaissait donc. Depuis 25 ans, comme tous les hommes du milieu d'ailleurs, et plus encore, toutes les femmes. Il était beau môme, je te le jure, le petit Stavisky. Il prenait leur perle et c'était toujours elle qui venait lui demander pardon. Alexandre Stavisky fréquente la pègre et continue ses petites magouilles en créant des entreprises. Et il est de nouveau condamné, deux fois, pour abus de confiance. 1914. Quand la guerre éclate, Stavisky, qui n'a été naturalisé qu'en 1910, n'a pas fait son service militaire. Il n'est donc pas mobilisable, mais il s'engage quand même dans une unité de combat. Il est réformé en janvier 1915. Et pendant tout le conflit, il fait des affaires, vend des bombes au gouvernement italien, monte un tripot avec sa maîtresse et poursuit ses affaires louches en tout genre. Et puis, grâce à son statut d'ancien combattant, il est amnistié de toutes ses condamnations à la fin de la Première Guerre mondiale. Sitôt cette guerre terminée, Sacha rencontre une jeune étudiante de 18 ans lors d'une balade dans le bois de Boulogne. De retour chez lui, il annonce à sa mère, il veut l'épouser. Il connaît la jeune fille depuis une journée, ce qui, évidemment, n'échappe pas à sa mère, à qui il répond « J'ai 24 ans, ne serait-il pas temps pour moi de me ranger ?» Les deux familles se rencontrent, les fiançailles durent longtemps, le mariage beaucoup moins, 2 mois. Une fois marié, Alexandre change brutalement de comportement. L'homme charmeur et attentionné devient agressif, distant, volage. De nombreux types louches se succèdent dans l'appartement pour discuter de nouvelles arnaques. Sa femme lui dit alors « Dis-moi Sacha, qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là ? Ils sont pas très bien élevés ?» Sèchement, il rétorque « Ça ne te regarde pas. Et si cette vie ne te convient pas, tu peux en changer. » Armande, l'épouse, le prend au mot et retourne vivre chez ses parents. Ils divorcent 8 mois plus tard. Alexandre enchaîne alors les aventures avec des figurantes de théâtre, des barmaids, mais aussi des femmes du monde. Il trouve finalement son bonheur auprès de Jeanne d'Arcy, une chanteuse sur le retour. Avec elle, il ouvre un cabaret dancing rue Comartin, le Cadet Roussel. Alexandre s'occupe de la caisse, Jeanne accueille la clientèle. Nous sommes au début des années folles. Après la guerre, place à la fête. Un soir, une dispute éclate entre eux. Jeanne lui reproche de profiter d'elle. Après tout, c'est avec son argent qu'ils ont ouvert le cabaret. Alexandre lui lance « Tout ce qui est à toi est à moi ». Puis il persévère, lui donne une claque et l'insulte. Jeanne crie « Tu n'es qu'un Mac, un sale petit Mac, tu es ignoble après tout ce que je t'ai donné ». Suite à cette dispute, Jeanne dépose plainte pour vol avec violence et abus de confiance. Mais Stavisky revient vers sa maîtresse, lui fait un numéro de charme et la persuade de retirer ses plaintes. La vie reprend son cours, Alexandre continue de détourner l'argent du dancing, les caisses sont vides et c'est la fermeture. 20 juin 1923, Jeanne et Alexandre roulent de nuit vers Saint-Jean-d'Uz. Conduite par Jeanne, la voiture percute violemment un chariot transportant des troncs d'arbres. Alexandre s'en sort indemne. Jeanne, elle, est défigurée. Il la quitte peu de temps après l'accident. Il ne tirera plus rien d'elle, se dit-il. Puis il s'essaie au trafic de drogue, direction Istanbul, comme l'explique le célèbre ténor du barreau Maurice Garçon. Il servit d'intermédiaire pour faire pénétrer en France de l'opium et de la cocaïne dissimulés dans des barils d'huile. Le risque, cependant, lui parut trop gros et il abandonna ce commerce. En 1925, il tenta un coup plus audacieux avec un ami Popovici. Il profita de l'ivresse d'un Américain pour se faire remettre un chèque de 600 francs qu'il lava et encaissa après l'avoir transformé en un titre de 48 200 francs. Arrêté, puis mis en liberté provisoire, il finit par obtenir un non-lieu parce que le document litigieux avait disparu du dossier pendant son passage à la police judiciaire. On recherchera vainement quel complice il avait pu se ménager dans l'administration. Il semble que c'est à cette occasion qu'il réalisa quel formidable levier constituait la corruption. Stavisky en tire une règle, comme le premier commandement de l'escroc, on peut acheter tout le monde. La suite va le démontrer. 28 avril 1925. Ce soir-là, Alexandre sera en compagnie de deux amis dans un bar à cocktail à la mode, le Bacchus, rue Fontaine, à Pigalle. Il y croise un jeune homme qu'il connaît, accompagné d'une ravissante jeune femme. Le groupe de cinq se rassemble autour d'une table. On parle de la cuisante défaite du 15 de France face aux All Blacks, de la performance de Suzanne Lenglen et de René Lacoste à Wimbledon, du suicide de Max Linder et de la dernière chanson de Maurice Chevalier. Mais Alexandre n'écoute que d'une oreille, car il dévore du regard la jeune Arlette. Au bout de plusieurs verres, il se lance. « Madame, me feriez-vous le grand plaisir de visiter demain l'exposition des arts décoratifs en ma compagnie ?» Après un léger sourire et un petit temps de réflexion, elle dit calmement « Si vous voulez ». Cette réponse va changer sa vie et celle d'Alexandre. La jeune femme, mannequin chez Coco Chanel, tombe très vite amoureuse de l'escroc qui lui continue ses arnaques en tout genre. La même année, il participe à la revente de titres de banque volés. Il y en a là pour 7 millions de francs. Le scandale éclate dans les colonnes du Figaro. Une affaire d'escroquerie de grande envergure vient d'être découverte. On recherche son auteur, Alexandre Sacha Stavisky, qui a pris la fuite et dont le père, accablé par le déshonneur, s'est suicidé. Interpellé par la police et mené dans le cabinet du juge d'instruction, Alexandre Stavisky écoute attentivement tous les faits qui lui sont reprochés. Et il y en a. Chèque sans provision, abus de confiance, escroquerie, en gros toute la palette de talents de Stavisky. Mais l'arnaqueur sort son arme fatale, le culot. Profitant d'un petit moment d'inattention, il se lève, court vers la porte et s'enfuit. Il s'empresse de retrouver Arlette avec qui il se cache dans une villa. Mais cela ne l'empêche pas de continuer l'organisation de ses fastueuses réceptions. Quand les policiers parviennent enfin à le loger, ils décident d'encercler la demeure. Pas question qu'il s'échappe une nouvelle fois. Je sais, mademoiselle, que ce que je fais est très mal. Et qu'on ne doit pas agir ainsi. Mais je vous assure que ça m'est équilatéral. Du moment que j'ai pu entrer ici, vous voyez que mon moyen a réussi très bien. Moi, je fais mes coups en dessous, comme ça voyez-vous, je me faufile partout. Faut bien le dire, rentrer sans mentir, je me serais fait sortir. Et au lieu d'être là, songez à cela, je serais chocolat. Moi, je fais mes coups en dessous, comme ça voyez-vous, je me faufile partout. Mademoiselle, j'ai bien envie de vous prendre au un baiser. Ah, je vous jure que ça me ferait tant plaisir. Alors je le prends ou je le prends pas? Mais sans nous regarder, vous devez supposer que cela me ferait trop rougir. Adoptez ma méthode, elle est vraiment commode. Moi, je fais mes coups en dessous, comme ça voyez-vous, je me faufile partout. Mon pira, on s'embrassera et personne nous verra. Vous pourrez me faire plaisir selon mon désir sans qu'on vous voie rougir. Moi, je fais mes coups en dessous, comme ça voyez-vous, je me profile partout. Affaire sensible, Fabrice Drouel. 28 juillet 1926, 8 heures du soir, Marly-le-Roi, une vingtaine de kilomètres de Paris. Alexandre et Arlette reçoivent des convives pour un dîner fastueux. La police lance l'assaut et retrouve Stavisky qui se cache dans les toilettes. Il leur lance. « Si ma femme n'attendait pas un enfant, je me serais tué à mon tour au lendemain de la mort de mon père. » Bon, on lui passe les menottes devant tous les convives. Direction la prison de la santé. Le lendemain, sa femme Arlette donne naissance à leur premier enfant. Derrière les barreaux, Stavisky réfléchit. Maintenant, il est tout le temps de réfléchir. En 15 ans, il a fait l'objet de 24 plaintes et son père est mort par sa faute. Et tout ça pourquoi ? Un résultat médiocre. Il n'est qu'un petit magouilleur. Alors, il lui faut passer à l'étape supérieure. Fini les petites arnaques, place à la grande escroquerie. Après plus de 18 mois d'incarcération, il est mis en liberté provisoire pour opération de l'appendicite. Une chronique aiguë. Un inspecteur chargé de le surveiller fulmine. Il nous a tous roulés. Je l'avais prévu, hein. Je suis sûr qu'il va passer un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Et c'est le cas. Stavisky se porte comme un charme. En compagnie de sa femme Arlette et d'amis, il fait la tournée des boîtes de nuit parisiennes. Sa priorité désormais, c'est de repousser le plus loin possible son procès dans l'affaire de la revente des titres volés, celle-là même qu'il a envoyée derrière les barreaux. Et il y parviendra avec toujours la même méthode, le recrutement des meilleurs avocats et corruption. Et puis il décide d'abandonner ce nom embarrassant de Stavisky. Un soir, il offre à sa femme un paquet de cartes de visite. On peut y lire « Monsieur et Madame Serge Alexandre ». À la même époque, il devient indicateur pour un inspecteur de police. En échange, Monsieur Alexandre, puisque tel est désormais son nom, obtient une lettre de recommandation de la police. Qu'espérait de mieux pour sa nouvelle carrière d'escroc ? Et ça tombe d'autant mieux que l'un de ses amis a un gros coup à lui proposer. La cible, le Crédit Municipal d'Orléans. Autrement dit, le Mont-Piété, le Clou ou chez ma tante, selon les expressions de l'époque. C'est ici que les personnes en difficulté financière viennent déposer des objets de valeur contre de l'argent. Et s'ils ne remboursent pas, eh bien l'objet est revendu. Stavisky et son ami ont l'idée d'engager de faux bijoux en achetant la complicité de l'appréciateur, celui qui évalue la valeur des pierres. Stavisky rencontre le directeur du crédit municipal, le séduit et arrive à le tromper. Début 1930, plus de 17 millions de fausses émeraudes sont engagées. Le directeur panique en découvrant la supercherie. Monsieur Alexandre lui livre alors la solution clé en main. Il n'a qu'à émettre de faux bons de caisse. Coincé, le directeur ne peut qu'accepter. C'est le premier gros coup de Monsieur Alexandre. Et très vite, il passe à la vitesse supérieure. Il crée la Foncière, une compagnie destinée à la construction d'immeubles entre la Porte Dauphine et la Muette. Il lance pour cela un emprunt de 200 millions de francs. Quelques années seulement après sa sortie de prison, Alexandre Stavisky est devenu un personnage important de la vie parisienne, comme l'explique l'avocat Maurice Garçon. Monsieur Alexandre tenait le haut du pavé. Donnait des réceptions fastueuses où il invitait ministres, parlementaires, magistrats et journalistes. Il commanditait un théâtre et avait une écurie de course. Sa femme remportait des prix au concours d'élégance. Lui-même jouait gros jeux dans les casinos. Mais Monsieur Alexandre mélange tous ses affaires et sa vie privée. Devenu notable et connu, il est en constante représentation. Au casino, il flambe des sommes astronomiques face au baron Empain et à Maurice de Rothschild. Il s'installe dans le luxueux hôtel Claridge, avenue des Champs-Élysées, où il côtoie notamment l'écrivaine Colette. Mais Stavisky est aussi entouré de maîtres chanteurs du monde de la pègre. Alors, pour se protéger, il recrute Georges Henault, un ancien boxeur, un garde du corps, quoi. On lui surnomme Joe la Terreur, tout est dit. Il témoigne de sa rencontre avec Monsieur Alexandre sur France Inter en 1974, à l'occasion de la sortie du film Stavisky. Un jour, je vois ce grand monsieur d'une élégance formidable. Vous savez, le type oriental. Il y avait une classe de plus, vous savez, le type impeccable. Le grand seigneur. Le grand seigneur. Il me parle, il me dit, écoutez, vous m'intéressez, j'aurais besoin d'un garçon comme vous. Et alors le soir même, en effet, à la sortie des courses, on m'a emmené dans la belle Bugatti, on m'a emmené à l'Empire. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient, Henri Ayotte, son associé, avait monté une opérette qui s'appelait à cette époque-là Katinka. Et c'est là que je suis devenu ce qu'on appelle maintenant le gorille. J'étais avec lui dans toutes les réunions mondaines, quand il mangeait des ministres, des députés, Tour d'Argent, Maxime. Et alors j'avais une table à côté, lui soignait son monde, et donc je voyais défiler à peu près tous les grands de la Terre, quoi. Et puis en dehors de ça, j'avais mon commerce. C'est quand de temps en temps un maître chanteur faisait bouger de trop, j'allais lui foutre une volée. C'est à cette époque, en 1932, que le romancier et journaliste Joseph Kessel rencontre Alexandre lors d'un dîner. Très vite, les deux hommes se revoient. Monsieur Alexandre lui propose de l'argent pour créer un journal. Finalement, l'affaire ne se fait pas, mais ils dînent ensemble de temps à autre. Stavisky apprécie la compagnie de Kessel. Lors d'un dîner très arrosé, Alexandre se laisse aller à une confidence. Oui, j'ai été dans le trou. 18 mois de fil. Tu ne sais pas ce que j'ai pu souffrir. Si j'étais resté plus longtemps, je me serais mis une balle dans la tête. Et cette saloperie de banque qui m'a étranglé, la BNC, une banque avec laquelle j'avais été régulier. Mais il a bien fallu reconnaître que j'étais innocent. La preuve, c'est que l'affaire n'a jamais été jugée. Seulement, mes ennemis m'ont tenu enfermé assez longtemps pour ruiner toutes mes affaires. Tu vois ça? Moi, sans un sou, et ma femme qui n'avait rien. Il y a un brave homme qui nous a soutenus. Il est mort depuis, mais je le bénis chaque jour. Je connais la vie, tu sais. Il s'en est fallu d'un cheveu que je me fasse assassin. Sur la tête de mes petits, je leur ai buté l'ordure. Après quelques verres, M. Alexandre adopte le vocabulaire de la pègre et montre qu'il a la rancune tenace. Il était prêt à tuer le complice qu'il avait dénoncé, mais il n'en est rien. Stavisky est désormais un homme distingué qui couvre les dîners dans tout Paris et qui offre un nouveau spectacle dans son théâtre de l'Empire, Katinka. 30 danseuses auraient suffi, il en met 100 sur scène. Dans les coulisses, M. Alexandre dit à Joseph Kessel « Katinka est un amusement, mon cher. Nous perdrons sûrement de l'argent, mais je puis combler la différence sans fatigue. Et puis, cela pose dans Paris. Et puis, il faut bien faire vivre les artistes. » M. Alexandre peut en dépenser de l'argent, car il est sur une nouvelle affaire très lucrative. Avec la complicité du député-maire de Bayonne, Joseph Gara, il ouvre un crédit municipal. La banque est entièrement dirigée par des complices de Stavisky. Alors, les faux bons inondent les marchés et l'argent coule à flot. Là, M. Alexandre se sent invincible. Et puis, gaspiller, c'est bon pour les affaires, c'est le premier des signes extérieurs de richesse. Illustration avec cet extrait du film Stavisky, où Jean-Paul Belmondo, qui joue l'escroc, ne se soucie guère des avertissements de son conseiller financier. On va voir si tes comptes sont justes. Écurie de course. 3 millions de francs de pertes sèches. Tu es d'accord? Théâtre de l'Empire, une seule saison. Perte, 6 237 378 francs. Je te fais cadeau des centimes. Je ne compte jamais les centimes. 600 000 francs distribués aux feuilles de chantage. 3,5 millions engloutis dans la société de presse. 2 millions d'honoraires, de gratifications, de pots de vin pour tes avocats, tes députés, tes généraux en retraite et tes anciens préfets. Je termine, Alex. Perte au casino. 2,250,000 à Biarritz, 5 millions à Cannes. En gros, plus de 22 millions dilapidés en moins de 2 ans. Dilapidés? Mais ces millions ne sont pas dilapidés. Ils sont investis. La seule façon d'attirer l'argent, c'est de le montrer. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit? De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Ils diront les affaires d'Alexandre battent de l'aile. Et ça sera la curée. Décembre 1933, le complice d'Alexandre Stavisky, qui dirige le crédit municipal de Bayonne, passe aux aveux. L'établissement a été surveillé de près depuis des mois. Maintenant, c'est une course contre la montre qui s'engage pour M. Alexandre. Il fait sa valise et quitte précipitamment l'hôtel Claridge. Il part sans sa femme ni ses enfants. Et la cavale commence. Grâce à des amis, il se réfugie dans un chalet à Chamonix, en Haute-Savoie. Jour après jour, le scandale fait les choux gras de la presse. Son nom et sa photo sont dans tous les journaux. Le 9 janvier 1934, la police parvient à loger Stavisky grâce à des indicateurs. Quand elle pénètre dans le chalet, il est seul, enfermé dans une chambre. Les policiers font le tour de toutes les pièces avant de venir frapper à la seule porte fermée. « Police, ouvrez !» Pour seule réponse, un coup de feu. Stavisky agonise, la tête ensanglantée. Il meurt dans la nuit. À Paris, dès le lendemain, des manifestants traitent les hommes politiques du gouvernement de voleurs et d'assassins. Ils ne croient pas un instant à la thèse du suicide. Non, Stavisky en savait trop. On l'a éliminé pour l'empêcher de parler. Les ligues d'extrême droite s'en donnent à cœur joie contre les radicaux socialistes. Le 27 janvier, fragilisé par l'affaire, le gouvernement mené par Camille Chautemps démissionne. Édouard Daladier devient président de conseil. Mais les manifestations s'amplifient. Et le 6 février 1934, c'est la tragédie. Comme l'explique ce documentaire intitulé 1929-1940, la mort de la Troisième République, diffusé en 1970. Le 6 février, toutes les ligues de droite, Action française, Jeunesse patriote, ainsi que les francistes et l'Union nationale des combattants, mais aussi l'organisation communiste d'anciens combattants, l'ARAC, Association républicaine d'anciens combattants, appellent leurs adhérents à manifester place de la Concorde. Les croix de feu en font autant sur la rive gauche de la Seine. Les forces de l'ordre assurent la protection de la Chambre des députés. Vers le soir, les manifestants veulent franchir le pont de la Concorde et parvenir au Palais Bourbon. Les gardes mobiles tirent pour se dégager. Ils sont bombardés de projectiles divers. Les manifestants incendient un autobus. On compte une vingtaine de morts et une centaine de blessés. Édouard Daladier donne sa démission. Pour la première fois sous la Troisième République, un mouvement de rue a provoqué la chute d'un gouvernement. Journée tragique pour la démocratie. Les forces de l'ordre ont tiré sur leurs compatriotes. Le lendemain, le gouvernement démissionne. La République a tremblé, certes, mais heureusement, les ligues fascistes n'ont pas pris le pouvoir. L'affaire Stavisky provoque une agitation et une colère qui traversent toute la scène politique. Le 12 février 1934, les communistes et les socialistes se rapprochent à l'occasion d'une journée de manifestation. Ce sont les prémices du Front populaire. À la fin du mois, Albert Prince, un magistrat qui enquêtait sur l'affaire Stavisky, est retrouvé mort près d'un chemin de fer à côté de Dijon. Cette mort suscite encore aujourd'hui le débat, et là encore, assassinat ou suicide ? 85 ans plus tard, l'affaire Stavisky apparaît toujours comme l'une des crises les plus graves qu'a dû affronter la Troisième République, nourrissant dangereusement l'idée du tous pourri et de l'anti-parlementarisme, les forces qui jetteront la dernière pelletée de terre sur la démocratie 5 ans plus tard. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter. Un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Stavisky. Notre invité, Bruno Fuligny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur, notamment, de l'ouvrage que je tiens entre mes mains, qui est intitulé « Dans les archives secrètes du ministère de l'Intérieur ». On y parle de cette affaire, on y parle aussi du scandale de Panama, auquel il faudra qu'on... sur lequel il faudra qu'on fasse une émission, qu'on consacre une émission, je vais chercher le mot, pardon. Alors, on a raconté l'histoire de ce Stavisky de façon légère, parce que d'abord, il n'y a pas de crime de sang, ça va, et puis dans la foulée aussi du ton du film de René, et puis la chanson de Jacques Dutronc qui parle en fait d'Arsène Lupin, c'est la même époque, et c'est le même esprit. Avec vous, on peut en sourire, mais on peut en rire jaune aussi, et on va en parler avec vous, l'historien, parce que nous sommes dans une période qui craint, comme on dirait, une période qui annonce des malheurs, de vrais malheurs, et puis aussi une dimension policière qui reste à fouiller, je crois, notamment l'affaire Albert Prince. Qui est ce monsieur? Qu'est-ce que cette mort nous dit par rapport à l'affaire Stavisky, si tant est qu'elle soit liée? Elles sont liées, et ne serait-ce que chronologiquement, puisque c'est seulement 2 semaines après l'émeute du 6 février 34 que près de Dijon, au lieu dit la Combeaufée, sur les voies de chemin de fer, on retrouve haché menu ce conseiller Prince, qui était tout simplement le chef de la section financière du parquet de Paris pendant l'affaire Stavisky. Alors, ce monsieur qui habite à Paris, rue de Babylone, est-il vraiment allé se suicider aux environs de Dijon? Pour se suicider, s'est-il vraiment attaché au rail avec une cordelette? L'autopsie va montrer qu'il est couvert d'échymoses. On va retrouver des traces de produits narcotiques de type chloroforme. Il va y avoir quand même de très sérieux doutes sur les circonstances et les raisons de la mort de ce magistrat. Magistrat qui, à une époque, voulait faire sortir l'affaire Stavisky, mais il avait au-dessus de lui un certain procureur Pressard, le dit procureur étant tout simplement lié familialement au ministre Chotan, ministre de l'Intérieur et président du Conseil. Donc tout ça fait terriblement désordre et il va y avoir enquête contre enquête sur la mort du conseiller Prince. Ça va être compliqué après la guerre parce que le très trouble inspecteur Bonny, qui sous l'occupation aura aggravé son cas en travaillant avec les truands de la Gestapo française de la rue Lauriston, au moment d'être fusillé, va affirmer être l'artisan de la mort du conseiller Prince. Alors on peut penser que c'était pour bénéficier d'un délai supplémentaire et pour échapper au peloton d'exécution. En fait, il va être réellement fusillé. Mais du coup, ça ajoute encore un petit peu de brouillard à cette affaire extrêmement trouble. Et Stavisky, officiellement, il s'est suicidé. Est-ce qu'on peut avoir des doutes? Alors Stavisky est mort d'une balle dans la tête. Alors d'abord, il faut faire justice d'une légende, parce que le Canard Enchaîné s'était amusé de ce suicide de deux balles dans la tête. En fait, le document médical qui constate le décès indique bien qu'il y a deux blessures à la tête, mais c'est tout simplement le trou par lequel la balle est entrée et de l'autre côté, le trou par lequel la balle est sortie. Mmh. Donc il y a bien un seul coup de feu, même s'il y a deux blessures à la tête, il y a bien un coup de feu qui lui a été tiré ou qu'il s'est tiré. Moi, j'ai enquêté sur cette affaire, puisque tous les documents de l'affaire Stavisky et de la commission d'enquête qui a suivi sont conservés aux Archives nationales. Et il y a un document très troublant, c'est le document, en fait, l'attestation du médecin qui, sur place, à Chamonix, le docteur Jamin, constate le décès. Il constate le décès, il fait un certificat à l'encre bleue. Et il y a une phrase dans laquelle il ajoute la présence de poudre à la tempe droite qui l'a fait conclure à un suicide, sauf que cette phrase, elle est à l'encre noire, elle est clairement surajoutée, et l'écriture est bizarrement fébrile. C'est-à-dire que le document... Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que le document a été fait en deux fois, et pas d'un seul tenant, avec le même stylo au même moment, et que le rédacteur, si c'est la même personne, n'est pas du tout dans le même état physique et psychologique. Donc il y a un doute, quoi. Donc il subsiste un doute, et tout simplement, on ne saura jamais. On ne saura jamais parce que... Au moment où le coup de feu est tiré, Stavisky est dans ce chalet, le vieux logis près de Chamonix. Ceux qui entrent, ce sont des policiers, des gendarmes, le propriétaire aussi de la maison. Il n'y a pas d'autres témoins. Donc, comment est-il mort ? De toute façon, quand bien même Stavisky se serait effectivement suicidé, le contexte fait que personne ne peut y croire. Parce que, bien sûr, le Stavisky que nous avons vu prospérer, dont vous nous avez raconté les aventures, c'est le Stavisky des années folles, des années 20, période où l'argent et le champagne coulent à flot. Mmh. Mais là, on est passé à une autre changement époque. De décor. Alors justement, j'y viens. Il y a un climat délétère d'anti-parlementarisme dans ces années 30. On a parlé de la manifestation du 6 février qui tourne au drame. D'ailleurs, pourquoi la police tire-t-elle sur la foule ? Pourquoi, à un moment, elle ne maîtrise plus ? En fait, la manifestation s'est bien passée, ou les manifestations, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs manifestations avec plusieurs parcours. Il est certain que les anciens combattants de l'ARAC, qui sont proches du Parti communiste, ne manifestent pas coude à coude avec les royalistes de l'Action française. Donc il y a plusieurs parcours, et les manifestations ont lieu dans la journée, qui sont des manifestations d'opposition au gouvernement. Ce ne sont d'ailleurs pas que des mouvements extrémistes. Il y a bien sûr des mouvements d'extrême droite, les royalistes de l'Action française, un mouvement un peu fascisant comme les Jeunesses patriotes, mais plutôt groupusculaires. Et puis, les gros bataillons, ce sont des mouvements d'anciens combattants, qui sont pas forcément d'extrême droite, qui sont plutôt de droite, qui sont très patriotes, qui sont très remontés, parce que l'antiparlementarisme n'a rien de nouveau en France, hein, mais là, il suscite un certain regain. Et puis, les anciens combattants de la guerre de 14 considèrent qu'ils ont été un petit peu floués, et ont la nostalgie de l'époque où on était tous unis comme au front, plutôt que ces jeux de parti, d'appareils, de groupes parlementaires qui les dépassent un peu et qu'ils trouvent déplaisants. Simplement, une fois que la manifestation ou que les manifestations se terminent, une foule importante se retrouve place de la Concorde, et comme toujours en cas de manifestation, il y a des gens qui se dispersent et d'autres qui ne veulent pas se disperser. Et ceux qui ne veulent pas se disperser ont un objectif. De l'autre côté du pont de la Concorde, il y a le Palais Bourbon où siège la Chambre des députés. C'est là où le pouvoir est concentré dans une république parlementaire. Nous sommes comme sous la Troisième République. C'est là qu'est le pouvoir, c'est pas l'Élysée. Bien sûr, le président de la Troisième République n'a pas de vrai pouvoir. En 1934, il n'y a même pas d'hôtel Matignon, je veux dire par là qu'il n'y a pas l'équivalent d'un Premier ministre, le président du Conseil est lui-même ministre de quelque chose, et il gère, il dirige, coordonne le gouvernement depuis son ministère. C'est seulement à partir de 1935 et Pierre-Étienne Flandin que Matignon va devenir la présidence du Conseil et que ça va être finalement un rôle politique en soi. Mais ça n'est pas encore le cas au début de l'année 1934. On est vraiment dans un régime parlementaire et les gouvernements se succèdent, sont renversés. On retrouve souvent souvent les mêmes personnages d'une combinaison à l'autre dans la composition des gouvernements, mais les présidents du Conseil et les contours des majorités changent régulièrement. Il y a une forte instabilité. Par exemple, rien qu'au cours de l'année 1934, il y aura 5 ministres de l'Intérieur, ce qui est un peu un record, hein, 5 ministres en 12 mois. Donc, c'est ce contexte-là. La Chambre des députés, c'est l'endroit où le gouvernement présente son programme, obtient ou perd la majorité. Et là où c'est il peut être renversé. C'est le cœur du pouvoir. Et puis, c'est ce qui focalise effectivement ce sentiment antiparlementaire. Donc, à un moment, les gens qui sont présents en place de la Concorde, et en particulier les plus militants, les plus antiparlementaires, au cri de « à bas les voleurs », ont envie de prendre d'assaut la Chambre des députés. Alors, bien sûr, le pont de la Concorde est gardé, il y a des policiers, il y a des gardes mobiles, mais ça va se passer assez mal, et à un moment, des coups de feu sont échangés. Alors là aussi, il y a des polémiques sans fin pour savoir qui a tiré en premier, est-ce qu'on a tiré à balles réelles, est-ce que la police a tiré à balles réelles. Toujours est-il qu'il va y avoir des morts, des blessés, plus ce bus incendié. Sur le fond, ça n'est pas si spectaculaire que ça, par rapport à des journées qu'on a pu connaître au XIXe siècle. Mais c'est un choc. C'est un choc pour tout le monde. C'est un choc pour ces ligues qui se heurtent à la police, qu'ils pensaient peut-être placer de leur côté. C'est un choc pour la France, qui se rend compte que cette démocratie parlementaire, au fond, est fragile et a failli être submergée. Et les forces de gauche, d'ailleurs, au lendemain du 6 février 34, qui étaient plutôt rivales, les radicaux, les socialistes, même les communistes, vont finalement se rapprocher. Et c'est un petit peu ça qui va lancer la dynamique vers le Front populaire, deux ans plus tard. On le disait dans le récit. Tout à fait. Alors, cette affaire Stavisky a peut-être été fantasmée, du genre Stavisky a bénéficié des protections politiques, ça veut dire qu'ils sont bien tous pourris, c'est le ferment de l'anti-parlementarisme. On va écouter sur ce point l'analyse de votre collègue René Raymond, historien, politologue, qui évoque sur France Inter dans l'émission Chronique Sauvage du 24 février 1990, l'une des cibles de l'époque, on n'en a pas encore parlé, il va en parler là. De fil en aiguille, de proche en proche, on va remonter, reconsidérer toutes les affaires, la chronologie, s'étonner des complaisances dont il a bénéficié, et l'opposition va l'exploiter, et en partie, et à partir de là, il y a à la fois la réalité et il y a une manière de mythe. Et on va s'imaginer qu'au fond, il a bénéficié de hautes protections. Et alors là, des thèmes classiques sont repris. On utilise très peu l'antisémitisme, il ne joue pas à l'époque, c'est ça. Mais le thème d'antimaçonnique, on va penser que c'est la franc-maçonnerie qui le couvre. Alors que lui-même n'y appartient pas, je crois pas qu'on ait jamais prétendu qu'il avait été initié, mais qu'il aurait bénéficié de la protection. Et comme le président du Conseil, Camille Chautan, se trouve être notoirement est une des personnalités, un des dignitaires de la franc-maçonnerie, on va tout expliquer par l'action de cette société secrète. Et que confusion, collusion entre la République et la franc-maçonnerie a accaparé la République, ce régime est pourri et il faut l'abattre. Voilà, la franc-maçonnerie. Alors, c'est vrai que la Troisième République a été une république maçonne. Je crois qu'on est arrivé à la moitié des députés qui étaient francs-maçons à cette époque-là. La Deuxième République était très maçonne aussi. Est-ce que vous adhérez à cette thèse de la franc-maçonnerie qui nourrit l'anti-parlementarisme parce que les gens pensent que tout se fait en réseau, en entraide, entre nous, entre l'élite, au mépris du peuple? Est-ce que c'est un élément important? Ça fait partie, bien sûr, des débats et des invectives de l'époque. Il est certain que la maçonnerie est présente dans les milieux politiques, en particulier dans ce régime parlementaire de la Troisième République, est très présente. Quelques acteurs majeurs de la vie publique de cette époque sont notoirement maçons. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils aient tous protégé Stavisky, qui, à ma connaissance, ne l'était pas. En revanche, il y a une parenté dans le discours anti-républicain entre anti-parlementarisme, anti-maçonnisme et antisémitisme, avec l'idée que les députés sont structurés par la maçonnerie qui elle-même est dirigée par les juifs. Et ça, c'est des thèmes qu'on va retrouver sous Pétain. Pardon de vous couper, mais ça me fait penser à ça. Est-ce que l'affaire Dreyfus est passée par là? Parce que là, on voit la césure. Oui, il y a bien sûr des réminiscences de l'affaire Dreyfus. On pourrait remonter jusqu'à la Révolution française, puisqu'au lendemain de la Révolution, un certain abbé Baruel va vouloir expliquer la Révolution comme le résultat d'un plan concerté des loges. C'est-à-dire qu'il y a une vision un petit peu paranoïaque, selon laquelle les loges seraient organisées de manière à pouvoir quasiment planifier, programmer, diriger les événements, manipuler les individus et les masses. D'autant plus qu'à l'époque, la Convention d'Andersen... qui est le livre de la franc-maçonnerie, est antérieur à la Révolution, pas longtemps avant d'ailleurs. Donc on est là dans une organisation qui commence, qui naît et qui est forte. Oui, et puis la maçonnerie par nature étant initiatique est peu connue des non-initiés, donc on peut raconter strictement n'importe quoi. Et à partir de là, il y a effectivement une forme de complotisme avant l'heure qui prospère. Ces idées n'ont vraiment rien de nouveau, mais elles prennent une force particulière dans les années 30. Pourquoi ? Parce que la grande crise de 29 est arrivée en France à partir de 1931. Vous l'avez dit, un chômage important, des faillites importantes, l'argent qui devient rare, et donc il faut bien trouver des responsables. Et les responsables, ça va être ces milieux de gouvernement et milieux d'affaires avec lesquels Stavisky est en relation. Il n'est ni leur créature ni leur instrument. Lui-même a profité d'eux. Alors c'est vrai qu'il a bénéficié de protections, mais des protections relativement modestes en fait. Par exemple, il était indicateur de police. Il ne voulait plus jamais retourner en prison. L'expérience de la prison à la fin des années 20 a été terrible pour lui. Il ne veut plus retourner en prison. Il est prêt à tout pour ne pas retourner en prison. Donc il est indicateur de police et à ce titre, il bénéficie de ce qu'on appelle un condé. Un condé, c'est une sorte de tolérance, d'autorisation. C'est pour ça qu'il vit sous un faux nom. Normalement, il n'a pas le droit d'être à Paris, il est interdit de séjour. Mais avec son condé, et comme il n'a aucun scrupule, il va frayer avec la pègre aussi bien qu'avec les milieux d'affaires. Et puis il va donner des infos, des tuyaux, des renseignements aux policiers. De la même façon, il est en relation avec certains hommes politiques et en particulier ce Joseph Gara, qui n'est pas du tout un personnage important dans la Troisième République, qui n'est pas ministre, mais député-maire de Bayonne. Il a le pouvoir de présider le conseil d'administration d'un nouveau crédit municipal qui va être finalement la banque Stavisky, en quelque sorte. Est-ce que la presse a fait de la surenchère sur cette affaire ou est-ce qu'elle a fait son travail, tout simplement ? Il faut voir que la presse de cette époque n'est pas la presse à laquelle nous sommes habitués. C'est largement une presse d'opinion dans laquelle on s'invective beaucoup, on lance un petit peu l'anathème, on joue sur le goût du public pour les complots, les coups de théâtre. C'est une presse qui a très peu d'éthique. C'est une presse qui vise vraiment le sensationnalisme. Et puis c'est une presse très engagée politiquement. Et donc avec toute la mauvaise foi que ça peut supposer, aussi bien à gauche ou à l'extrême gauche qu'à droite et à l'extrême droite. Et c'est une presse aussi de rue, je veux dire par là, qu'elle n'est pas seulement envoyée aux abonnés ou disponible en kiosque. Vous avez vraiment des crieurs de journaux ou des camelots du roi pour l'Action française, qui sont présents dans la rue, qui alpaguent le passant, qui vous mettent sous le nez l'affaire du jour. Et donc il y a un intérêt à la fois politique et marchand à avoir le gros titre le plus alléchant, le plus scandaleux. Donc bien sûr, la presse, en faisant ce travail-là, souffle sur des braises. Et ceux qui s'en rendent compte très vite, ce sont les policiers, pas les policiers en uniforme qui montaient la garde autour du Palais Bourbon, mais les policiers en civil de la Sûreté, par exemple, qui font un travail de renseignement intérieur. Dans les archives, on a des documents assez fabuleux qui, dès le mois de janvier, disent ce qui va se passer le 6 février, qui expliquent que personne ne croit au suicide et qu'il y a un énervement tel que même les gens relativement sensés se mettent à tenir des propos menaçants contre le pouvoir. En résumé, Stavisky, quand on raconte son histoire, on raconte l'histoire d'un filou, en fait. Hein. Un escroc assez doué, avec assez un certain entre-gens. Et donc, il y a une certaine légèreté. Mais au bout du compte, quand on dit Stavisky, ça nous renvoie à la Troisième République, évidemment, et à des moments qui ne sont pas politiquement légers. Est-ce que Stavisky devient un symbole de cette période-là ? Et donc Stavisky, c'est la grande affaire. Il faut voir aussi que depuis la fin des années 20, il y a eu toute une série d'affaires. L'affaire Martano, la fameuse banquière des années folles, l'affaire Oustric, l'affaire des Lupanars, enfin, toute une série d'affaires assez pittoresques. Le scandale de Panama, c'est beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien. C'est 1892, 1893, donc, ça c'est oublié. Ça a nourri l'antiparlementarisme, mais des générations antérieures. D'accord. En revanche, depuis le déclenchement de la grande crise, il y a un certain nombre d'affaires qui déclenchent des commentaires antisémites, antiparlementaires, qui trouvent un écho d'autant plus large que le pays se trouve en réelle difficulté financière. Et donc, il y a l'idée que certains prospèrent par des opérations spéculatives, par des combinaisons financières compliquées et louches. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Et vous avez bien sûr des politiciens qui vont capter ce vent-là. Parmi les blessés du 6 février, il y a Darquier de Pellepoix, qu'on retrouvera au commissariat des affaires juives sous l'occupation. Bien, merci infiniment Bruno Fulini, je rappelle le titre de ce livre que j'ai entre les mains et qui nous renvoie à tout ça dans les archives inédites du ministère de l'Intérieur chez Folio, en poche en tout cas. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Stavisky, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.